En Corée, le rassemblement de départ pour le pèlerinage des députés à l'Assemblée populaire suprême aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du secteur du Mont Paektu a eu lieu le 12 courant à la cour d'honneur devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées à la ville de Haesan de la province du Yangon. Avant le rassemblement, les participants ont déposé des corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues des grands hommes pour rendre leur hommage. Le rassemblement terminé, les pèlerins ont visité le monument à la victoire dans la bataille de Pochonbon, le musée des hauts faits révolutionnaires de la province du Yangon et aussi le cimetière des martyrs révolutionnaires de Haesan.